Au marché de tiers-lieux, à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de locataires siennes se crêpaient un jour le chignon. Appelé à cheval ou en voiture, Xeno sans mal inspiré vint pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de lyncher Xeno sans, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur le guignol et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ce brave Xénocent être à deux doigts de succomber, moi j'y bichais car je l'adore sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères xénocenticides en criant hippipipoura. Frénétique le nœud de la tâche, le vieux capitaine loup-garou, et lui fait crier mort au loup, mort au loup, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne de ce lourdeau entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque un grand coup de mamelle, celui qui passait à sa portée. Il tombe, tombe, tombe, tombe et retombe, et selon les avis compétents, il paraît que ce lynchage fut le plus beau de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu son content d'oignons, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons. Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, lui aurait même coupé les choses, par bonheur il n'en avait pas. Lui aurait même coupé les choses, par bonheur il n'en avait pas.